ce qui dit Buchenwald. Pour ce qui vit Bergen-Belsen. Pour ceux qui ont vécu Dachau. Pour ceux qui ont vécu Struthof. Pour ceux qui virent la mort, intolérable mort, insupportable souffrance, inutile existence. Pour ceux qui virent la mort, intolérable mort, insupportable souffrance, inutile existence. Pour ceux qui vécurent Ravensbrück. Pour ceux qui vécurent Mauthausen. Pour ceux qui ont vu Stutthof. Pour ceux qui vécu Chamnos. Pour ceux qui vécurent l'enfer de larmes et de prières et des fosses communes dans du brouillard sans lune. Pour ceux qui vécurent l'enfer des camps concentrationnaires, d'une impossible horreur, d'une effrayante stupeur. Pour ceux qui vécurent Auschwitz. Pour ceux qui subirent Bézec. Pour ceux qui subirent Neidanek. Pour ceux qui subirent l'enfer des camps concentrationnaires, d'une impossible horreur, d'une effrayante stupeur. Pour ceux qui virent la mort, intolérable mort, insupportable souffrance, inutile existence. Alors vous, le peuple d'aujourd'hui, oui, vous, le peuple de la démocratie, alors vous, le peuple d'aujourd'hui, oui, vous, le peuple de la démocratie, dites-le à vos enfants pour que cette horreur ne tombe pas dans l'oubli. Et même s'il faut pleurer tous les soirs en se rappelant ceux qui ont vu le noir, pour pour ceux qui subirent Auschwitz. Pour ceux qui subirent Birkenau. Pour ceux qui subirent l'enfer de l'armée de prière et des fosses communes dans un brouillard sans lune.